La petite Fanny, à travers la foule, s'avance vers Maître Panis. Oh, Fanny, bonjour, ma belle. Bonjour, Maître Panis. Dites, Maître Panis, est-ce que je puis vous parler? Oh, mais naturellement que tu peux me parler. Tu sais que j'ai quelque chose d'extrêmement grave à vous dire. Entendons, ma belle. Entendons. Là. Il la fait entrer dans la boutique, dont il referme la porte. Alors, toi aussi, tu as quelque chose de grave à me dire? C'est peut-être la même chose que César. Oh non, ce que je veux vous dire, César ne le sait pas. Alors ça fait deux gravités pour aujourd'hui? C'est une journée chargée, hein? Mais bah, cette gravité, je sais ce que c'est. Ta mère t'a dit que je t'ai redemandé ce matin. Il me l'a dit. Ouais. Et tu viens me porter ta réponse. Et tu as l'air tout ennuyé. Et tu n'oses pas dire un seul mot. Ah, bah, je sais bien pourquoi. Et je vais te faciliter la chose. Tu viens me dire non encore une fois. Bah tant pis. Il faut pas te faire du mauvais sang pour moi. Si c'est non, c'est non. Et puis c'est non, voilà tout. Tant pis, que faire. Mais vous vous trompez, Maître Panis. Je ne viens pas vous dire non. Est-ce que tu viens me dire oui? Je viens vous dire que je dirais oui si c'était possible. Mais ça n'est plus possible. Parce qu'il y a une chose grave que vous ignorez. Et quand vous saurez cette chose, c'est vous qui ne voudrez plus. Mais la vérité, je vous la dois. Même si vous devez me mépriser ensuite. Te mépriser? Mais non, voyons, mais non. Bon, d'abord, cette chose-là, je la sais déjà. Et même plusieurs personnes la savent. Deux fois, on a vu Marius sortir de chez toi à la petite pointe du jour. Eh ben, quoi? Et après? Si quelqu'un venait me dire, Maître Panis, vous avez épousé une jeune fille et que vous n'avez pas été le premier, je lui répondrais, eh ben, dis donc, et moi, est-ce que j'étais vierge? Non, n'est-ce pas? Eh ben, alors? Et qu'est-ce que ça peut faire, ça, après tout? Pour moi, c'est tout le contraire. Ça ne me fâche pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand un monsieur de mon âge épouse une fillette comme toi, ce n'est pas très joli, parce que ce n'est pas juste. Mais du moment que la jeune fille a eu, pour ainsi dire, un amant, ça rétablit un peu l'équilibre. Et je peux me marier avec toi sans perdre ma propre estime. Je me garde toute ma sympathie. Ma sympathie qui m'est personnelle et que j'y tiens énormément. Voilà ma façon de penser. Vous êtes bon, Maître Fanny. Mais il y a quelque chose de plus grave. Quelque chose qui ne peut pas se passer. Une conséquence irréparable. Mais quoi? Ne me forcez pas à le dire, tâchez de comprendre. Ben, tu vois, je tâche, j'essaie, je cherche. Mais non, vous ne cherchez pas. Oh, je vois très bien que vous avez compris. Mais vous faites celui qui ne veut pas comprendre. Parce que je vous fais horreur, comme à tout le monde. Oh, je le savais bien, allez. Vous avez raison, Maître Panis, ne me prenez pas. Je suis une fille perdue. Perdue. Je n'ai même plus le droit de me tuer. Es un pichon, Fanny. Digo-mi, Fanny, es un pichon. Tu es sûre? C'est le docteur qui te l'a dit? Ah, c'est donc ça que tu étais toujours malade. Oh, ne me méprisez pas trop, Maître Panis. Et vous m'avez demandé ce matin à ma mère. Je n'avais qu'à vous répondre oui. Mais j'ai voulu vous avertir. Oh, je serais si heureuse maintenant de devenir votre femme. Tu accepterais quand même de m'épouser? Oh, j'aurais tant de reconnaissance pour vous que je finirais peut-être par vous aimer. Mais ce petit, là, ce petit, tu me le donnerais? Il serait mien? Il aurait mon nom? Oh, c'est la seule chose que je vous demande. Oh, bonne mère. Oh, dites, Maître Panis, c'est vrai. Vous me voulez quand même. Écoute, Fanny, est-ce que tu as remarqué mon enseigne? Il y a Honoré Panis et en dessous Maître Voilier. Est-ce que tu as remarqué que les lettres sont un peu trop serrées sur la gauche et qu'elles restent au bout, comme un espace vide? Eh bien, tiens, viens voir, tiens, tiens, regarde. Il ouvre un tiroir et en sort de grandes lettres en bois doré. Ça, c'est feu. Ça, c'est le. Ça, c'est i. Ça, c'est ce. Et ça, c'est et. Et, fils. Il y a 30 ans qu'elles sont dans ce tiroir. Et je n'ai jamais pu les sortir. Attends, Fanny, un peu de précision. Est-ce que tu as dit ton secret docteur? Le docteur le sait. Oui, mais lui ne pourra rien dire puisqu'il est docteur. Et ensuite? Ma mère et ma tante Glodine. Mais cela ne pourra rien dire à personne à cause de l'honneur de la famille. Et il n'y a personne d'autre qui le sache. Personne. Bon, et maintenant, quand est-ce qu'il va naître, mon petit? Février ou mars. Eh bien, ça tombe très bien. Ce sera donc un enfant de 7 mois. Et alors, à quand l'annonce? Oh, mais dites, Maître Panis, c'est bien vrai. Vous avez bien réfléchi avant de dire oui. Fanny, puisque nous sommes d'accord, je vais te dire tout et tu comprendras que je ne fais pas un sacrifice. Viens t'asseoir, tiens. Assieds-toi, ma belle. Lorsque j'ai épousé ma pauvre Félicité, elle avait ton âge et moi j'en avais guère plus. Nous avions acheté ce magasin en monnaie de papier, tu comprends, en signant des frais à l'avance. Oh, pas cher, bien sûr. À ce moment-là, le magasin ne valait pas grand-chose. Nous avons d'abord eu une ouvrière, puis deux, puis cinq, puis dix, et comme ça jusqu'à 30. Alors au bout de 7 ans, un beau soir, j'ai dit à ma femme, « Oh, Félicité, si nous faisions un petit... » Alors elle devient toute rouge, peu chère. Et elle se cache un peu la figure, et elle me fait, « Honoré, il y a longtemps que j'y pense. » Mais je n'osais pas t'en parler. Mais alors, oh ma pauvre Fanny, impossible de faire un enfant. Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et je gaze, naturellement, je gaze. Mais voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit. Et puis quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors une véritable folie m'a pris, là. La folie des enfants. Depuis ce moment-là, chaque fois que j'ai vu dans la rue un grand couillon avec un panama qui pousse une petite voiture, tu ne peux pas t'imaginer comme j'étais jalouse. J'aurais voulu être à sa place, avoir cette air bête et ces gestes ridicules. J'aurais voulu faire... Et si bon, bon, bon. C'était une grande souffrance. Et Félicité, je la regardais de travers. Et pour la moindre des choses, nous nous disputions, surtout à table. Je lui disais, c'est bien la peine d'avoir un estomac comme de monument et de ne pas pouvoir faire un enfant. Alors elle me répondait, si tu n'avais pas tant bu de piquant et de rinsolette, peut-être que tu serais bon à quelque chose. Et puis enfin, petit à petit, nous nous sommes habitués à ce désespoir. Mais le magasin ne nous intéressait plus. Nous l'avons plus vendu que l'article courant. Et alors? Pendant que je joue aux cartes dans les cafés comme un imbécile, les autres en ont profité. Certains messieurs Renault, Dion Bouton, Peugeot et Tutti Canti se sont mis à faire des moteurs. Et voilà pourquoi notre beau vieux port est tout emplanti de pétrole. C'est parce que Félicité était stérile, tout simplement. Mais maintenant, oh, sainte bonne mère, mais ça change tout. Une femme et un petit, à moi. Oh, vous êtes bon, maître Fanny. Je vous remercie. Mais attendez encore 2 jours avant de me donner votre réponse. Pourquoi? Tu recules déjà? Tu attends une lettre de Marius. Je n'attends plus rien de personne, sauf de vous. Mais je ne voudrais pas que vous engagiez votre parole sur un mouvement de pitié. Pitié? Mais quelle pitié? Mais alors tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Fanny, je te jure que jamais un homme n'a fait une action plus égoïste que moi en ce moment. Je me fais plaisir, voilà la vérité. Ces enfants, bien entendu, il vaut mieux se les faire soi-même. Mais quand on attrape la cinquantaine et qu'on n'est pas bien sûr de réussir et qu'on en trouve un tout fait, eh bien on se le prend sans avertir les populations. Je ne te pose qu'une condition, Fanny. C'est que tu ne dises à personne. Même pas à ta mère que tu me l'as dit. Tu ne diras rien? Oh non, je ne dirai rien. Et je te demanderai, malgré ce que nous savons tous les deux, de te marier en robe blanche. Comme ça, je pourrais prendre l'air devant tout le monde que cet enfant est à moi. Alice! Oh! Oh, Alice! Viens vite! Je crois que M. Brown vient de se noyer. Il y a son bateau qui a la quille en l'air. Oh, c'est probablement pas vrai, mais il faut que j'y aille tout de même. Tiens, Fanny, va m'attendre dans la salle à manger, hein? Qui sera bientôt la tienne. Va faire connaissance avec les vieux meubles de mon père, hein?